Chapitre 24e. Le procès de Mélisande. Darrell n'avait pas perdu son temps. Le noble gentilhomme écossais qu'il servait était prêt à lui donner toute assistance dans son affliction. Et 3 jours après l'interrogatoire devant M. Montagu Bowers, le procès de Mélisande fut remis aux mains d'un des avocats les plus distingués. Des officiers de police de Bow Street avaient été prendre des informations, mais de quelque côté qu'on regardât l'affaire, elle avait toujours un aspect sinistre. En tâchant de connaître les antécédents de Duke, on avait découvert qu'il avait bien mérité le pire de tous les destins qui auraient pu lui échoir. On fit des recherches qui prirent beaucoup de temps et qui révélèrent que le bon vaisseau Le Vautour avait été saisi et brûlé par un vaisseau français près des côtes de Barbarie et que le capitaine George Duke et son second, un nommé Thomas Masterton, avaient été envoyés aux galères par le gouvernement français comme corsaires et négriers et soupçonnés d'être des assassins et qu'ils s'étaient échappés tous les deux ensemble le 1er janvier de cette même année. L'avocat chargé par Darrell de préparer la défense de sa cousine croyait qu'il serait avantageux de découvrir où était ce Thomas Masterton, dans l'espérance qu'on pourrait obtenir de lui quelque indice qui pût guider dans la recherche de ce mystère, car il avait été le compagnon de l'homme assassiné. On mit plusieurs fois une annonce dans la Gazette de Londres, et le résultat fut qu'on reçut une lettre du gouverneur de la prison de Carlisle qui contenait des renseignements sur cet homme. Thomas Masterton était maintenant en prison pour quelques petits vols, et il attendait aux assises une sentence qui devait décider du sort de Madame Duke. Un des agents de police les plus capables d'Old Bailey fut retenu par les avocats à qui était confiée la défense de Mélisande. Darrell pria ces bons messieurs de n'épargner ni peine ni argent pour obtenir l'acquittement de sa malheureuse cousine, mais le défenseur secoua la tête en regardant ses notes, et il dit franchement à Markham qu'il ne voyait aucune lueur d'espoir dans cette triste affaire. La veille du jour où l'on allait prononcer la sentence de Mélisande, la diligence du Nord emmena Darrell, M. Pouncett, le procureur, et M. Horace Weldon, l'avocat de Carlisle, où le lendemain une femme délicate de 27 ans devait répondre à l'accusation d'un meurtre prémédité. La veille du jugement, Sarah quitta son fils mourant. La pauvre femme vint à Carlisle accompagnée de Samuel, qui était un des témoins cités par l'accusation et dont l'esprit était presque perdu par la responsabilité de sa position. Les rayons d'un froid soleil de mars éclairaient tous les coins du palais de justice, remplis d'une multitude confuse, quand on conduisit Mélisande à sa place, sur le banc où l'on met les criminels pour répondre à une accusation de meurtre. Sa santé était tellement affaiblie par son long emprisonnement que ses gardes furent pris de compassion pour elle et lui permirent de s'asseoir pendant l'interrogatoire. 50 années après, des gens qui demeuraient à Carlisle pouvaient raconter l'histoire de cette tête blonde éclairée par les faibles rayons du soleil de printemps et de cette figure délicate, amaigrie et flétrie par l'anxiété et la souffrance, mais toujours très belle dans sa calme blancheur. Non coupable. La voix distincte et argentine avec laquelle ces deux mots furent prononcés pénétra jusqu'au coin le plus éloigné du tribunal. Il y avait une conviction générale parmi les assistants que cette faible femme avait certainement commis le crime horrible dont elle était accusée. La foi dans la sorcellerie n'était pas encore éteinte dans ce pays du Nord. Cette jolie femme, qui s'asseyait là avec une tranquillité presque surhumaine, était-elle soutenue dans son procès par le diable lui-même? Sa jeunesse et sa beauté étaient contre elle dans l'opinion de ces simples gens du Nord. Ses pareils n'avaient-elles pas été brûlés sur un bûcher pour des crimes semblables au meurtre de Duke? Et qui, si ce n'est le diable et ses acolytes, aurait pu lui donner le pouvoir de commettre le crime et de porter le corps de son mari par un escalier en pierre et une distance de près de 40 mètres? Car c'était un point remarquable que plus incroyable et plus impossible était le crime qu'on supposait avoir été commis, d'autant plus déterminés étaient ces gens dans leur conviction de la culpabilité de l'accusé. Les preuves fournies par les témoins étaient semblables à celles exposées et fournies naguère devant M. Montagu Bowers. Samuel devint encore vague et obscur quand il s'agit de l'identité de George Duke, capitaine du Vautour, avec ce fantôme, ce revenant, qui était apparu à 3 reprises différentes dans le courant de ces 7 dernières années. Les provinciaux écoutèrent avec un intérêt ardent l'histoire du revenant. Mais on n'en pouvait rien conclure qui pût jeter quelque lumière sur le meurtre affreux qui avait été commis au manoir de Compton. Samuel, dans un interrogatoire où on lui fit des questions captieuses pour voir s'il se couperait, raconta fidèlement la première apparition du revenant qui avait eu lieu dans le crépuscule d'un soir d'octobre, et il continua de dire que la prisonnière actuellement devant la cour avait vu le même fantôme 3 mois après sur la jetée de Marley. Il dit aussi que le revenant s'était présenté de nouveau le soir même où le meurtre avait été commis, et qu'il avait amené avec lui un cheval en mauvais état, maigre, mais qui était positivement de chair et de sang, et qu'un maussade valet d'écurie était venu chercher ce cheval, qu'il n'avait pas voulu dire d'où il venait, ni par qui il était envoyé, mais qu'il avait payé l'argent pour la nourriture du cheval, l'avait monté et s'en était allé. Tout ceci avait une telle allure de sorcellerie que cela produisit plutôt une prévention contre Millicent qu'en sa faveur. Il y avait évidemment du sortilège au fond de cette affaire, et il était très probable que cette sorcière aux cheveux blonds avait le pouvoir de faire venir sa victime dans 2 ou 3 endroits à la fois pour l'accomplissement de ses desseins impies. Or, pendant que les faits racontés par Samuel produisaient cet effet sur la portion ignorante de l'assemblée, les auditeurs plus instruits croyaient que l'histoire entière était quelque création confuse qui sortait de l'esprit troublé de Packer, comme les ombres vaporeuses et les feux follets sortent d'un sol marécageux et fangeux. M. Weldon, l'avocat chargé de la défense de Millicent, était tout à fait de cette opinion, et il n'avait que très peu d'espérance qu'en suivant ce guide, il en pût résulter quelque bien, car au lieu d'éclaircir l'affaire, il ne faisait que la rendre plus obscure. Si une douzaine d'ombres du capitaine étaient apparues simultanément dans 12 d'endroits différents, le fait de leur apparition n'aurait pas pu faire disparaître l'autre fait, celui de la disparition du marin, la mare de sang qui était sur le parquet de la chambre du jardin, et la terrible série de preuves contre l'accusé, preuves fondées sur un concours de circonstances qui lui était défavorable et qui rattachait Millicent au crime affreux qui avait été commis. Ce fut une tâche cruelle pour Darrell de se placer sur le banc des témoins et de répondre aux questions que l'avocat de la couronne lui posa, car il savait bien que chaque mot qu'il disait ne pouvait qu'aider à la condamnation de sa malheureuse cousine. Quand on lui demanda s'il n'avait jamais vu le fantôme du capitaine, il raconta la rencontre qu'il avait faite sur les bruyères de Compton, quand on l'avait volé et blessé, et aussi l'histoire que Ringwood, le jeune seigneur, lui avait racontée de sa rencontre avec un homme qu'il avait cru être Duke dans une maison de Chelsea. La mère Maggis, la femme de charge sourde, Hugh Martin, le constable, et Sarah furent alors interrogées, avec le même résultat que dans l'occasion précédente, et le procès fut terminé. Il y avait des preuves accablantes contre la malheureuse femme qui était devant le tribunal. Une pendule en dehors du palais de justice sonna 3 heures à l'instant où l'avocat de la couronne s'assit. Plus de la moitié du jour avait été employée à l'interrogatoire de ses témoins. Après avoir lu la déposition faite par Millicent devant M. Montagu Bowers, le défenseur fit un commentaire sur les faits qui y étaient mentionnés. « Il y a 2 ou 3 choses, messieurs les jurés, sur lesquelles je désire attirer votre attention particulière. La première est l'invraisemblance de la supposition que ma cliente, une femme faible et délicate, dont la santé était tellement affaiblie par la surexcitation et l'agitation qu'elle avait subie, aurait eu assez de force pour porter le corps d'un homme robuste pendant une distance de 40 mètres, et en outre de briser la glace épaisse et de jeter le sudit corps dans l'étang où le cadavre qu'on dit être celui de George Duke a été trouvé. Cependant, convenons que ce qui serait très difficile à aucun être raisonnable soit possible, est-ce que ma cliente, après avoir fait un effort presque surhumain pour cacher la principale preuve de son crime, se serait hâtée de faire connaître le fait par une révélation qui n'était pas nécessaire? Une pareille conduite n'aurait pu être suggérée que par l'aliénation mentale, et sa déposition, que je tiens dans ma main et que je viens d'avoir l'honneur de vous lire, n'admet pas une telle explication. Tout est clair et lucide, il n'y a point de contradiction, point d'inconséquence. Ma cliente raconte les événements de cette terrible nuit sans aucune hésitation et sans aucune réticence. Tout y est dit, à partir du moment où elle a été laissée seule avec le capitaine Duke, jusqu'à celui où elle est entrée dans sa chambre et l'a trouvée blessée dans son lit. Et cependant, messieurs, c'est sur cette déposition faite volontairement par ma cliente que vous voudriez fonder la supposition de sa culpabilité. Mettez de côté cette déposition et quelle preuve avez-vous qu'un meurtre ait été commis? Aucune. Une mare de sang dans la chambre où dormait l'homme, qu'on ne pouvait pas d'abord retrouver, et la découverte d'un corps trop décomposé pour être reconnu. Ces faits, avec la disparition de Duke, sont les seules choses que nous ayons entendues aujourd'hui, et ces faits ne forment pas une preuve suffisante qu'un meurtre ait été commis. Le capitaine aurait pu se rompre une artère, et il aurait pu quitter Compton par sa propre volonté, pour quelque projet que nous ne pouvons pas approfondir, ne connaissant pas le mobile de sa conduite. J'appellerai tout à l'heure un témoin qui prouvera que cet homme était un scélérat et un coquin, qu'il a passé 7 ans de sa vie aux galères et qu'il s'en était seulement échappé 3 semaines avant son retour à Compton. C'était un misérable capable de tous les crimes. Sa disparition peut être un complot affreux par lequel il espère se venger sur cette malheureuse femme. Ne rejetez pas ces suppositions parce qu'au premier coup d'œil, elles vous semblent improbables. Elles ne peuvent pas être plus incroyables que la supposition de la culpabilité de ma cliente. Un sang innocent a été trop souvent répandu par suite d'erreurs judiciaires. L'affaire d'Ambroise Gwinnett, qui sans doute vous est connue, peut fournir un parallèle singulier avec celle que nous devons décider aujourd'hui. Ma première proposition est que peut-être aucun meurtre n'a été commis. Ma seconde proposition est que si Duke a été vraiment assassiné, il est tombé victime de quelques personnes ou de quelques personnes inconnues qui avaient un intérêt à le faire mourir. Aucune chambre n'était plus facile à ouvrir que celle où il était couché, et une personne désirant entrer dans cette chambre entrerait naturellement par la porte de cette chambre qui, selon la déposition de ma cliente et celle de Marthe Magis, la gouvernante, était seulement fermée par un verrou. Il a fallu que la chambre fût envahie par quelques personnes dont l'intention était de piller la maison, qui pensaient que la femme Magis était la seule habitante, et qui ne savaient pas que Duke fût là. Le meurtrier, quel qu'il fût, a été sans doute dérangé dans son horrible occupation par l'entrée de ma cliente, qui dit dans sa déposition qu'elle a eu beaucoup de peine à ouvrir la porte. Il a donc bien eu le temps de se cacher avant qu'elle entrât dans la chambre. Immédiatement après avoir fait la découverte de l'assassinat, elle s'enfuit de la maison, laissant tout en sûreté pour l'assassin. Il a fallu que 2 heures s'écoulassent dès ce moment jusqu'à l'arrivée de Hugh Martin et de M. Darrell. Pendant cet intervalle, le meurtrier a bien eu le temps de cacher le corps et d'emporter les habits de sa victime. Car il faut vous rappeler que toute trace des vêtements que Duke portait avait disparu quand le constable et M. Markham firent leur première enquête au manoir. Je vous demande, messieurs les jurés, si pour un instant vous croyez que ma cliente soit coupable, que pensez-vous qu'elle ait fait de ses habits? Quel temps, quel moyen, quelle occasion avait-elle pour cacher les lourds vêtements que portait son mari? Moi, je réponds sans hésitation qu'elle n'en a eu aucun. M. Horace Weldon finit sa plaidoirie par un appel éloquent aux jurés. Thomas Masterton fut le premier témoin qu'on appela pour la défense. Il fut très difficile d'obtenir la vérité de cet homme. Il riposta toutes les questions qu'on lui posa d'une manière qui aurait excité beaucoup d'admiration à Old Bailey. Mais il avait un praticien de Old Bailey à combattre, qui l'obligea à dire comment lui et Duke avaient pu s'échapper des galères. Toutes les oreilles écoutaient tout ce que cet homme disait. Tous les yeux le regardaient fixement, pendant qu'il raconta son histoire. Et toutes les personnes présentes tressaillirent d'horreur en voyant le changement qui se fit soudain dans la contenance de celui qui parlait. Au milieu d'une phrase, Masterton s'arrêta, et les joues pâles et blêmes, les yeux tout grands ouverts, il regarda à travers les têtes des avocats et celles de la foule qui entourait la porte du palais de justice, qui était dans une position un peu élevée et communiquait par un perron à la partie principale du bâtiment. Un homme qui venait d'entrer dans la salle se tenait au sommet de ce perron, isolé de tous les autres spectateurs. Il parlait à voix basse à un agent qui était près de lui. Il avait l'air de lui confier un message, et il semblait, aux manières de l'homme, que l'affaire de l'inconnu n'était pas une affaire ordinaire. « Pourquoi vous arrêtez-vous, monsieur Masterton ?» demanda le défenseur de Millicent. Le témoin leva lentement la main et désigna du doigt l'étranger qui était au sommet du perron. « Parce que le capitaine George Duke vient d'entrer dans la salle. » Il y eut un mouvement parmi la foule des spectateurs. Millicent était resté tranquillement assis sur le banc des criminels, la tête penchée en avant et les mains posées sur ses genoux. Pendant tout le procès, elle avait eu l'air d'un spectateur qui n'avait aucun intérêt à ce qui se passait, et à qui l'issue de l'affaire était bien indifférente. Mais quand Masterton dit ces mots, elle leva la tête et regarda dans la direction que la main du témoin avait indiquée, et elle articula un faible cri de terreur. Elle ne s'évanouit pas, mais elle s'assit comme une personne transfigurée. Ses yeux bleus étaient ouverts autant qu'ils pouvaient l'être, et elle regarda l'inconnu avec une profonde horreur. « Encore ?» murmura-t-elle. « Encore ? Encore ?» L'agent à qui le nouveau venu avait parlé se fraya un chemin à travers la foule, et il dit quelques mots tout bas à l'oreille de l'avocat de Millicent. L'avocat se tourna vers le juge avec un geste de surprise. « Milord ! » s'écria-t-il. « J'ai toujours été moi-même convaincu de l'innocence de ma cliente, et je confesse franchement que ma liste de témoins n'était pas très forte. Mais à présent, je suis en droit d'appeler un nouveau témoin. Je suis à présent en droit de déclarer qu'aucun meurtre n'a été commis et que George Duke est dans ce moment-ci devant le tribunal. Non, non, non. » C'était des lèvres de la prisonnière que ce faible murmure s'échappa. Mais à ce moment, tous les yeux étaient fixés sur l'étranger aux yeux bruns, qui était maintenant placé sur le banc des témoins, Masterton ayant cédé sa place au nouveau venu. « Restez où vous êtes, monsieur Masterton, » dit l'avocat de Millicent. « Peut-être aurons-nous besoin de vous tout à l'heure. » Le marin se recula de quelques pas sur le banc des témoins, regardant d'un œil fixe le nouveau venu. Sa figure portait une expression particulièrement embarrassée, et il grattait sa tête rasée avec un geste lent et réfléchi. « Puis-je vous demander, monsieur le capitaine Duke, » dit le défenseur, « pour quelle raison il vous a plu de vous absenter jusqu'à ce que votre femme ait été mise sur le banc des criminels sous l'accusation d'un meurtre prémédité sur votre personne ?» Il commençait à faire sombre dans les coins les plus reculés du palais, et l'obscurité avançait aussi lentement sur les bancs des criminels et ceux des témoins. Deux ou trois huissiers commencèrent à allumer les bougies dans les flambeaux à bras de cuivre. Mais la lumière rouge du soleil couchant n'avait pas entièrement disparu du bâtiment, et les grandes fenêtres étaient rouges de la dernière lueur du jour. Dans cette demi-lumière, l'homme qui était sur le banc des témoins regarda lentement autour de la salle, examinant avec soin les figures anxieuses tournées vers lui. En regardant ainsi, il ne pouvait pas voir le visage blême de l'accusé, ni ses yeux fixés comme des yeux qui regardent en revenant. « Je suis resté absent, dit l'homme, parce que je n'avais pas reçu un accueil très agréable de ma femme. Nous nous étions querellés avant que je me couchasse, et ayant trop bu, et étant découragé par l'accueil que j'avais reçu, je pensais que la vie était si peu de choses que je me suis coupé la gorge, dans l'espoir d'en mourir. Mais, quoique j'ai perdu assez de sang pour guérir 20 malades de la fièvre, je ne me suis pas fait d'autre mal que de me rendre raisonnable. De sorte que j'ai étanché la blessure en m'enveloppant la gorge d'un fichu de laine, et que je suis sorti aussitôt de la maison, ayant l'intention de ne jamais revoir la femme qui est ici présente. J'ai marché dans la campagne pendant une distance de 16 000, et j'ai pris une place dans la diligence de York d'où j'allais à Londres, où je suis resté depuis. Il y a 3 jours que par hasard un paragraphe d'un journal m'a pris le mal causé par mon absence. J'ai pris immédiatement ma place dans la diligence du Nord, et me voici pour justifier ma femme de l'accusation qu'on a portée contre elle. L'homme regarda autour de lui quand il eut fini de parler. L'avocat de Millicent froissa ses papiers dans sa main. Il y eut un peu de désappointement parmi les spectateurs. L'affaire se terminait d'une manière très ordinaire, et le capitaine Duke devait avoir honte de se jouer ainsi d'une assemblée anglaise. L'avocat de la couronne se leva dans cette conjoncture. « Mon savant collègue a oublié, dit-il, que la personne qui dit être le capitaine Duke n'a été reconnue que par un homme, et que cet homme est un témoin pour la défense. Messieurs les jurés auront besoin d'une preuve plus forte de son identité avant d'admettre qu'aucun meurtre n'a été commis. « Je ne crains rien, » répliqua l'avocat de Millicent. « À plus Samuel et Sarah Pecker, Darrell Markham, Mark McGuiss et Hugh Martin. » On appela les témoins. « Soyez assez bons, capitaine Duke, pour vous placer dans l'endroit le plus éclairé de la salle, » dit l'avocat. L'homme s'approcha et se plaça dans la pleine lumière des bougies. Il portait les mêmes habits qu'il avait portés la nuit de son arrivée à Compton. L'habit bleu usé, aux boutons de marine, ornée de fragments de galons ternis, les bottes fortes et le gilet qui montrait la corde, et le chapeau à trois cornes usé par le mauvais temps. Ses cheveux blonds ardents étaient attachés par un ruban, et ses yeux bruns avaient la même expression cruelle qu'on pouvait se souvenir d'avoir vu briller dans ceux de George Duke. L'un après l'autre, les témoins attestèrent son identité. Hugh Martin, le constable, fut le dernier à jurer. « Je connaissais très bien le capitaine Duke, dit-il, et je peux jurer que celui que je regarde n'est nul autre que lui. Si l'on désire une meilleure preuve de son identité, je crois que je peux la donner. « Donnez-la, alors il nous la faut absolument, » reprit l'avocat de Millicent. Le constable prit quelque chose dans la poche de son gilet et le présenta au défenseur. C'était un de ces boutons que portent les marins avec un fragment de drap bleu usé attaché à la monture. Je l'ai ramassé dans le parloir de chêne du manoir de Compton, la nuit où l'on a supposé que le meurtre avait été commis, dit Hugh. Je crois que vous le trouverez pareil aux autres qui sont sur l'habit de cet individu. Quand on l'examina, on trouva qu'il était pareil aux autres. Ils étaient d'une fabrique étrangère et portaient les armes du roi d'Espagne. On n'avait jamais acheté ces boutons-là à Londres. Messieurs les jurés, s'écria Horace Weldon, il n'est pas nécessaire de vous retenir plus longtemps. Il n'est pas nécessaire de presser Monsieur le capitaine Duke de nous dire les motifs qu'il a eus pour tenir une conduite si extraordinaire. Il a été reconnu devant le tribunal par 6 témoins. L'innocence de ma cliente est si apparente que je vous demande de l'absoudre sans quitter vos sièges. » Le juge parla très brièvement. « Messieurs les jurés, je suis d'accord avec l'honorable défenseur. La chose me semble très simple et ce que vous avez à faire est assez clair. » Les jurés se parlèrent entre eux à voix basse. Il y eut dans la foule un murmure de satisfaction réprimée et un cri convulsif de Sarah. Le principal juré se leva et adressa la parole au juge. « Nous trouvons la prisonnière innocente. » Cette fois, les applaudissements éclatèrent bruyamment. Pour la première fois, pendant cette journée, Millicent se leva de son siège et, se tournant vers les jurés qui venaient de la quitter, elle dit avec une calme résolution « Je vous remercie, messieurs, de votre bonté pour moi. Mais cet homme-là n'est pas mon mari. » L'avocat de Millicent s'était assis et était occupé à rassembler ses papiers. Il se leva lorsqu'elle parla. « Messieurs, messieurs !» Les événements d'aujourd'hui ont dérangé l'esprit de ma cliente. Je vous prie de n'y faire aucune attention. Monsieur le capitaine Duke, emmenez votre femme. Je répète, dit Millicent, que cet homme n'est pas mon mari. Oh, je l'ai bien dit. Je savais bien comment cela finirait le jour où elle m'a parlé dans son cachot, la pauvre et innocente chérie, s'écria Sarah en se tordant les mains, tandis qu'elle et Darrell s'avançaient pour emmener Millicent du tribunal. Je savais bien que ses cruelles souffrances la rendraient folle. Que les amis de Madame Duke l'emmènent du tribunal, dit le juge. Je ne bougerai pas avant que j'aie parlé, Milord, s'écria Madame Duke. Est-ce que je parle comme une folle? En ai-je l'air? Cet homme n'est pas mon mari. George Duke a été tué dans la nuit du 30 janvier dernier. C'est son cadavre que j'ai vu étendu dans la chambre du jardin. Le sang en coulait par une grande balafre dans la gorge. Quant à cet homme qui est là, ce n'est pas une chose nouvelle pour moi de voir l'ombre de mon mari. Je l'ai vu, il y a 7 ans, sur la jetée de Marley, lorsque les horloges de l'église sonnèrent minuit. L'histoire du fantôme du capitaine Duke, que Samuel avait racontée, frappa l'esprit des spectateurs, et Main Joe devint pâle à la pensée que l'homme qui était debout et sur qui la lumière brillante des bougies frappait pouvait être une ombre. L'homme lui-même regarda Madame Duke d'un air enfrogné. « Ma femme est folle. Faut-il que nous restions ici toute la nuit pour écouter son délire ?» Quelqu'un veut-il faire à cet homme 2 ou 3 autres questions? Dit Madame Duke. Le défenseur de Madame Millicent Duke lui répliqua. Oui, madame, si vous le désirez réellement. Oui, je déclare que je le désire très ardemment. Alors je suis à vos ordres. Demandez-lui s'il a en sa possession une seule boucle d'oreille, un diamant monté en or indien d'un travail curieux, fin et délicat. L'homme prit dans sa poche de gilet un petit sac en toile, en tira le bijou et le donna à l'avocat. « Peut-être cela contentera-t-il ma femme ? » dit-il. « Le bijou est d'accord avec votre description, Madame Duke, » dit l'avocat. « Êtes-vous contente ? » ?»« Pas encore. »« Soyez assez bon pour lui demander ce que mon mari m'a dit quand il a pris ce bijou. » L'homme sourit. « Qu'est-ce qu'un mari aurait pu dire à sa femme en recevant un souvenir d'elle ? » reprit-il. « Que dirait-il, si ce n'est de lui promettre de le garder fidèlement et de ne pas le donner à quelque femme qu'il pourrait rencontrer dans les pays étrangers ? » ?»« Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? » s'écria Millicent. « Il ne peut pas me dire ce que George Duke m'a dit quand il a reçu ce bijou de mes mains, il y a 7 ans. Il m'a dit que n'importe qui viendrait à moi, se disant mon mari, serait un imposteur s'il ne pouvait montrer ce bijou. » « Alors, dit l'avocat en haussant les épaules avec impatience de la sottise de sa cliente, maintenant que cette personne peut montrer le bijou, c'est une nouvelle preuve de son identité. » Millicent porta la main à son front et demeura silencieuse pendant quelques minutes. « Qui que ce soit qui a assassiné mon mari, on a emporté ses vêtements. Cette boucle d'oreille était dans la poche de son gilet. » Il y avait dans la sincérité de celle qui parlait une ardeur qui portait la conviction dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. M. Horace Weldon croyait réellement que l'homme qui était là était George Duke, le capitaine du Vautour. Cependant, et malgré lui, il était ébranlé dans sa conviction par les paroles et par l'aspect de cette femme si calme qui semblait vouloir attacher de nouveau la corde qu'on venait de détacher de son cou. L'avocat de Millicent était habile à étudier les physionomies, et il fixa ses yeux sérieux sur la figure de l'homme qui se tenait sur le banc des témoins. Ensuite, il regarda un peu à droite, où le digne Thomas Masterton était debout sous la garde d'un des agents, étant, comme nous savons, seulement élargi pour le moment de la prison pour assister à ce procès. Les deux hommes se regardèrent sérieusement, et la bouche de Masterton remua avec une contorsion particulière, qui pouvait être un mouvement convulsif ou un signal. C'était un signal, car il fut accompagné d'un geste de la main, une espèce de geste très commun parmi les voleurs et les vagabonds français. « Comment osez-vous faire des signes à cet homme ?» s'écria l'avocat en regardant Masterton d'un œil fixe et sévère. « Que cet homme me fasse le contre-signe, dit Thomas, s'il le peut. S'il ne le peut pas, il n'a jamais été aux galères et il n'est pas George Duke. »« Il n'est pas George Duke ? Non. J'en ai douté depuis que j'affirmais son identité. S'il est George Duke, qu'il se déshabille et montre ses épaules nues devant le tribunal. S'il est George Duke, qu'il montre sur son dos la marque des criminels, qu'il montre une marque pareille à celle que je peux montrer, car George Duke et moi, nous avons été pris le même jour et nous avons été marqués le même jour. » « Je présume que vous n'aurez aucune répugnance à faire cela, monsieur le capitaine Duke ?» dit l'avocat après une pause. La figure de l'étranger devint rouge de colère. « Parbleu ! J'ai une certaine répugnance à le faire. »« Du diable, messieurs ! Est-ce qu'il faut qu'un homme se déshabille devant un tribunal pour montrer une marque honteuse, que les ennemis de son pays ont brûlé dans sa chair, afin de prouver son identité, après qu'une demi-douzaine de témoins en ont juré ?» Est-ce qu'il faut qu'un homme fasse cela parce qu'il plaît à une femme folle de renier son mari ? Pardieu, c'en est assez pour remuer la bile du plus grand lâche qui ait jamais marché sur le sol britannique. » Comme il parlait, il regarda d'un air de défi autour de lui. Il eut un murmure d'applaudissements dans la salle. « Voyons, monsieur, voyons, dit le juge, je ne désire pas vous faire faire quelque chose qui vous soit désagréable. Mais il me semble que nous nous enfonçons dans un mystère que peut-être nous ne pourrons jamais éclaircir. Voici 5 personnes qui jurent que vous êtes George Duke, et en voici 2 autres qui jurent que vous ne l'êtes pas. Il faut que la question soit décidée avant que vous quittiez ce tribunal, ou Millicent Duke ne le quittera pas avec une réputation sans tache. Il n'est pas nécessaire que vous vous déshabilliez devant tout le tribunal. Vous pouvez vous retirer avec 2 personnes nommées par moi et leur montrer la marque du fer. » L'homme resta silencieux, puis après une longue pause, il regarda autour de lui d'un air résolu et dit « Et si je nie que j'ai jamais été aux galères ?»« Alors vous mettrez de nouvelles difficultés dans l'affaire, » reprit le juge. Thomas Masterton a juré que lui et George Duke avaient été pris ensemble sur le Vautour, le jour où il a été brûlé par les Français, qu'ils ont été jugés ensemble et qu'ils se sont échappés ensemble dans les premiers jours du mois de janvier dernier. « Tout cela est bien vrai, Milord, » dit Thomas avec fermeté. À ce moment, une faible voix s'interposa. Une figure pâle se montra parmi la foule qui entourait Millicent, et Pecker, de l'ours noir, réclama l'attention de la cour. « Je sais qui c'est, » dit-il, « c'est le revenant, le fantôme qui m'a demandé quel chemin il fallait prendre pour aller à Marley, le revenant que M. Darrell a rencontré sur les Landes de Compton, le fantôme que Mme Millicent a vu sur la jetée de Marley. » C'était quelque chose d'étonnant de voir l'animation du petit aubergiste. Masterton frappa de sa main sur la barre de bois devant lui. « Fantôme ! » cria-t-il. « Que Dieu nous bénisse ! Cet homme n'est point en revenant. Je sais qui il est. » L'idée m'en est venue juste en ce moment, et j'étais un fou de ne pas y penser. Cet homme est le plus grand ennemi de George Duke. Un changement affreux fut visible sur la figure de l'homme lorsque Masterton dit ces mots. Et il regarda à la dérobée autour de lui, comme s'il cherchait comment il pourrait sortir de la salle. Mais il était tellement entouré qu'il ne pouvait pas plus s'échapper que s'il eût été lié par des chaînes de fer. « Comment, comment, monsieur Masterton ?» dit le juge, pendant que les spectateurs étonnés regardaient le marin. « Je dis que cet homme est celui que George Duke haïssait plus que le capitaine français qui a brûlé son vaisseau, ou le juge qui l'a condamné aux galères. Cet homme est le frère jumeau de George Duke. »« Son frère ?»« Oui, son frère jumeau, et il lui ressemblait tant que sa mère n'a jamais pu les distinguer quand ils n'étaient pas ensemble. » Le capitaine m'a raconté toute l'histoire pendant un calme plat, près des côtes d'Afrique. George se fit marin et s'enfuit quand il avait 15 ans. L'autre, James, a été un voleur et un scélérat, depuis qu'il a pu marcher seul. George avait maintes fois payé pour les péchés de son frère, car aucun magistrat et aucun constable ne pouvaient distinguer l'un des jeunes gens de l'autre. James était un menteur et un poltron, toujours prêt à s'en aller tête baissée quand il y avait du danger. Il a laissé son frère George dans l'embarras. Et quelques tours pareils à ceux-là ne dissipaient pas la haine qui existait entre eux, de sorte que quand George Duke se fit marin, le dernier mot qu'il a dit en quittant l'Angleterre a été pour maudire son seul parent vivant et son frère jumeau. « Remarquez, ajouta Thomas Masterton, que je vous raconte l'histoire comme le capitaine me l'a racontée. James Duke et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés avant ce soir, mais je sais une personne qui le connaît très bien. » « Voilà une singulière histoire, dit le juge. Et s'il ne peut pas la contredire, elle prouve que cet homme est coupable d'un parjure. « J'ose dire qu'il ne peut pas la contredire, Milord, » interposa l'avocat de Millicent. « Si cet homme qui porte les habits que George Duke a portés la nuit de sa disparition n'est pas George Duke, comment rend-il compte de la possession de ses habits, Milord ?»« J'ose dire que cet homme est l'assassin de son frère. Il est reconnu par Sarah Packer comme étant l'homme qui est venu à l'Ours Noir quelques heures avant que le meurtre fût commis. » Il a laissé un cheval à l'auberge pendant 3 jours, et au lieu de revenir lui-même, il a envoyé un commissionnaire le chercher. Il se présente aujourd'hui devant ce tribunal avec une histoire invraisemblable, afin de se faire passer pour le mari de Mrs. Duke, et pour obtenir la possession de sa fortune. Où a-t-il été et qu'a-t-il fait depuis la disparition de George Duke? Qu'il produise des témoins pour répondre à ces questions, et en même temps qu'il soit arrêté sous la prévention d'avoir commis un perjure et un meurtre. « Je vous demande, Milord, d'ordonner qu'on arrête cet homme. » Le juge donna son approbation à l'idée exprimée par son savant collègue, et le fantôme de George Duke, ou son ombre, ou son frère jumeau, fut emmené du tribunal et écroué dans la maison de Carlyle, jusqu'à ce qu'on eût trouvé des renseignements qui puissent lui rendre la liberté ou qui justifiassent son emprisonnement jusqu'aux assises prochaines. Les vigoureux bras de Darrell portèrent Millicent hors du tribunal. Son faible corps céda à la fin, et il s'évanouit pendant que Masterton racontait son histoire. De bonne heure, le lendemain, on la ramena à Compton des Bruyères, pas à la vaste et vieille maison où le meurtre avait été commis, mais à une agréable chambre de l'Ours Noir, où elle fut fidèlement servie par Phoebe, la jolie femme de chambre, Sarah étant tout occupée à soigner son fils. La carrière de Henry Masterton, autrement dit le capitaine Fanny, autrement dit Sir Lovell Mortimer, était presque fini. Il languit pendant 15 jours après le procès de Millicent, et il conserva toutes ses facultés jusqu'à son dernier soupir. Il fut frappé d'étonnement quand il entendit le récit du procès de Carlyle. « Je croyais sincèrement que c'était James Duke qui avait été assassiné, dit-il, et que la malheureuse femme avait commis le crime dans un accès de folie ou de désespoir. Mais je peux révéler quelque chose sur cette affaire, et justifier la réputation de cette dame. Je ferai ainsi un acte de justice avant de mourir. Mais je ferai mieux de faire un serment, et de raconter mon histoire devant témoins, car peut-être cela aidera-t-il à faire pendre cet homme, ce James, qui, quant à cela, sera mieux hors de ce monde que dedans, car il n'a jamais fait de bien ni rendu le moindre service à aucune créature humaine. » Le soir, en présence de sa mère, de Samuel et de la tournée Selgood, le capitaine Fanny fit une déposition qui fut écrite avec soin par l'homme de loi et qui fut ensuite signée par le malade. Dans cette déposition, le bandit dit comment James Duke avait d'abord été son camarade, puis ensuite son complice. Comment, dès le principe, ce James Duke avait été un fort mauvais drôle, si maussade et si sournois que ceux qu'il connaissait lui avaient donné le sobriquet de Mossad Jérémia, et quelquefois, à cause de sa mauvaise chance, celui de malheureux Jérémia. Comment la haine entre les deux frères jumeaux était bien connue de ceux qui fréquentaient l'un d'eux, et comment lui, Henry Masterton, lorsqu'il avait appris la disparition de George Duke, avait pensé que James Duke pourrait profiter de cette circonstance et se faire passer pour son frère, et obtenir ainsi la fortune de sa femme. Cette trame avait été résolue et discutée à Londres, lorsque le hasard avait fait que le bandit rencontra sur les marches de l'église de Saint Bride les nouveaux époux. Cette rencontre fortuite avait décidé James Duke à agir immédiatement. Il était parti le soir même pour Compton des Bruyères, après avoir reçu une somme d'argent suffisante du capitaine Fanny, et il avait pris rendez-vous une semaine après, à l'Ours Noir, avec le brigand, pour partager la fortune qu'il aurait ainsi acquise avec son ancien camarade et maître. Voilà tout ce que Henry Masterton put dire, mais cela formait un enchaînement de preuves pleines d'évidence contre l'homme qui était enfermé dans la prison de Carlisle. Le capitaine Fanny reposait sous un monticule de gazon dans le cimetière de Compton des Bruyères, quand James Duke fut amené au banc des accusés, où Millicent s'était assise peu de temps auparavant pour être jugée aux assises de l'été pour le meurtre de son frère George. Anneau par anneau, on déroula la chaîne des preuves qu'on avait recueillies contre l'accusé, et on en conviendra, tout avait un caractère d'évidence qui était loin de lui être favorable. Chacun des pas de l'accusé, depuis Londres jusqu'à Compton des Bruyères, fut retracé par un témoin. Mais de toutes les preuves amoncelées contre lui, la plus accablante fut celle fournie par le garçon d'écurie d'une petite auberge située sur un chemin de traverse à quelques milles de Compton, où James Duke avait loué un cheval, et où il était revenu à pied dans la soirée du lendemain du meurtre. Il portait un paquet et était entré dans la cour tête baissée comme un voleur. Ses habits étaient tout tachés de sang et de terre. Ses taches, avait-il dit, étaient causées par une chute de son cheval que pour cette raison il avait été obligé de laisser à Compton des Bruyères. Le garçon qui l'avait envoyé chercher le cheval donna aussi son mot, et il dit comment le prisonnier lui avait promis une guinée, à condition qu'il refuserait de répondre aux questions qu'on pourrait lui faire à Compton. James Duke fut donc pendu à Carlisle, et Millicent ordonna de placer une pierre tumulaire sur les dépouilles défigurées qu'on avait trouvées dans l'étang. Cette pierre ne portait que cette inscription « À la mémoire de George Duke, cruellement assassiné par son frère jumeau dans la nuit du 30 janvier 1700 et quelques. » Une année s'écoula presque entièrement avant que Millicent pût prendre sur elle de rentrer au manoir de Compton. Durant cet espace de temps, elle demeura dans le petit cottage qu'elle avait habité pendant les 7 années qu'avait duré l'absence de son mari. La chambre du jardin fut démolie, et à sa place on bâtit une nouvelle aile en briques nommée d'abord l'aile du roi George, puis l'aile de la chambre des enfants. L'étang situé derrière les écuries fut comblé, et on y planta des lauriers et des houx. Je ne dirai pas au lecteur pendant combien de temps les simples villageois affirmèrent qu'aucun arbre ne pousserait jamais dans cet endroit maudit, mais je me contenterai de constater que ce coin était en plein exposé au vent d'est. Avant que Millicent rentrât à la maison où avaient vécu ses ancêtres et où ils étaient morts, pour la troisième fois, elle prit part à la cérémonie du mariage et le curé de Compton l'unit à son cousin Darrell. Thomas Masterton, convaincu d'un petit vol, mourut dans la prison de Carlisle quelques mois après la mort de son fils, de sorte qu'il arriva que jusqu'à son dernier soupir, Samuel n'apprit jamais la vraie histoire du colporteur à l'air étranger qui avait volé les cuillères, la bourse et la montre de Sarah. Est-il nécessaire de raconter en détail la vie paisible et heureuse que les deux époux menèrent au manoir de Compton? On peut encore voir dans la salle à manger de la vieille maison un tableau représentant un groupe de familles, comme l'on en voit assez fréquemment dans de bonnes maisons bourgeoises et qui font toujours plaisir à voir. C'est le portrait d'une jeune mère aux cheveux blonds dorés qui se penche sur le berceau d'un enfant qui dort, pendant que Darrell, en costume de chasse, est debout dans le fond avec un petit démon d'environ 3 ans perché sur son épaule. Ainsi s'achève Le Capitaine du Vautour par Marie-Elisabeth Braddon.